Monsieur, depuis quelque temps, vous n'arrivez plus à interpréter le sourire figé de votre collègue de bureau. Vous avez des doutes sur la sincérité du baiser de votre épouse. Ne vous en faites plus. Utilisez le nouveau détecteur de mensonges portable Dis-nous-Tout. Une simple pression du capteur sur votre interlocuteur et le Dis-nous-Tout vous révèle instantanément la véritable intention de votre proche. Rouge pour les intentions malveillantes, vert pour les intentions sincères. Grâce au Dis-nous-Tout, les pensées de vos amis n'auront plus de secrets pour vous.